15. Le livre de l'évocation d'Allah, Dhikr. Chapitre 244. Le mérite et l'incitation à évoquer Allah. Allah Ta'ala dit: Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus gros. Sourate 29, verset 45. Souvenez-vous de moi donc, je me souviendrai de vous. Sourate 2, verset 152. Et invoque ton Seigneur en toi-même avec humilité et crainte, à mi-voix, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Sourate 7, verset 205. Et évoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Sourate 62, verset 10. Évocateurs souvent d'Allah et évocatrices, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Sourate 33, verset 35. Ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. Sourate 33, verset 41-42. 1408. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Deux paroles légères à prononcer pèseront pourtant lourd dans la balance et sont aimées d'Allah. Gloire et louange à Allah, gloire à Allah le très grand. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi al-azim. Al-Bukhari et Muslim. 1409. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Que je dise, gloire à Allah, louange à Allah, il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, et Allah est le plus grand, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, mais plus cher que ce bas monde. Littéralement, ce sur quoi le soleil se lève. Muslim. 1410. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Celui qui dit 100 fois par jour, il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah seul sans associé, a lui la royauté et la louange, et il est capable de toute chose. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, obtient la récompense de celui qui a franchi 10 esclaves. Par ailleurs, 100 bonnes actions lui sont inscrites, 100 péchés lui sont effacés, et cela constituera pour lui une protection contre Satan jusqu'au soir. Personne n'aura accompli d'œuvre meilleure que la sienne, excepté celui qui aura fait mieux que lui. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a également dit: Celui qui dit « Gloire et louange à Allah, subhanallahi wa bihamdi » 100 fois par jour, verra ses péchés effacés, même s'ils sont équivalents à l'écume de la mer. Al-Bukhari et Muslim. 1411. D'après Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: Quiconque répète 10 fois, il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, seul, sans associé, à lui la royauté, la louange, et il est capable de toute chose. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Obtient la récompense de celui qui a franchi 4 esclaves parmi les descendants du prophète Ismaïl, c'est-à-dire les Arabes. Al-Bukhari et Muslim. 1412. Selon Abu Dharr, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui a dit: « Veux-tu connaître les paroles qu'Allah aime le plus ? Les paroles préférées d'Allah sont « Gloire et louange à Allah »« Subhanallahi wa bihamdi » Muslim. 1413. D'après Abu Malik al-Ash'ari, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: La purification représente la moitié de la foi. Dire louange à Allah, alhamdulillah, remplit la balance des bonnes actions. Et dire gloire et louange à Allah, subhanallahi walhamdulillah, comble l'espace compris entre les cieux et la terre. Muslim. 1414. Selon Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, un bédouin se rendit auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et lui dit: Enseigne-moi des paroles que je puisse répéter. Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, dit: il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah seul sans associé. Allah est le plus grand, immensément grand. Louange à Allah, très abondamment. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Il n'y a de force qu'en Allah et de changement que par lui, le puissant, le sage. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira. وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. Le bédouin dit: celles-ci sont pour mon Seigneur. Qui a-t-il pour moi? Il répondit عليه الصلاة والسلام, dit: ô Allah, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, guide-moi et accorde-moi ta grâce. Muslim. 1415. Thauban, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, après avoir terminé sa salat, implorait le pardon d'Allah à trois reprises avant d'ajouter: tu es la paix, et de toi provient la paix. Béni sois-tu, ô toi le glorieux, le très généreux. Al-Awza'i, l'un des narrateurs du hadith, fut interrogé: comment demande-t-on pardon à Allah? Il répondit: en disant: j'implore le pardon d'Allah, j'implore le pardon d'Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Muslim. 1416. D'après Al-Mughira ibn Shu'bah, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, après les salutations finales de la salat, disait: il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, unique et sans associé. À lui la royauté, la louange, et il est capable de toutes choses. Ô Allah, nul ne peut retenir ce que tu donnes, ni donner ce que tu retiens, et la richesse ou le rang ne sont d'aucune utilité devant toi. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayt, wa la mu'tiya lima mana'at, wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Al-Bukhari et Muslim. 1417. Abdullah ibn Zubayr, rapporte qu'il avait l'habitude, après les salutations finales de chaque salat, de dire: il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, unique et sans associé. À lui, la royauté, la louange, et il est capable de toutes choses. Il n'y a de force qu'en Allah et de changement que par lui. Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, nous n'adorons que lui. À lui les bienfaits, la grâce et les paroles élogieuses. Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, nous lui vouons un culte exclusif, en dépit de l'aversion des mécréants. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'matu wa lahul fadl, wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din walaw kariha al-kafirun. Ibn Zubayr ajouta: le messager d'Allah alayhi salatu wassalam répétait ceci après chaque salat obligatoire. Muslim. 1418. Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte que les pauvres parmi les émigrés, muhajirin, vinrent trouver le messager d'Allah alayhi salatu wassalam en lui disant: les riches ont accaparé les places honorables auprès d'Allah et le bonheur éternel. Ils accomplissent la salat et jeûnent comme nous, mais leurs richesses leur donnent un avantage sur nous. Elles leur permettent en effet d'accomplir le pèlerinage, Hajj et Umrah, de partir au djihad et de faire des aumônes. Il dit, alayhi salatu wassalam, voulez-vous que je vous enseigne ce qui vous permettra d'atteindre le niveau de ceux qui vous ont précédés et de devancer ceux qui vous succéderont, si bien que personne ne pourra vous dépasser si ce n'est celui qui agit comme vous? Ils dirent: bien sûr, ô messager d'Allah. Il dit: vous n'avez qu'à glorifier Allah, dire Subhanallah 33 fois, puis le louer, dire Alhamdulillah 33 fois, et enfin déclarer sa grandeur, dire Allahu Akbar 33 fois après chaque salat. Al-Bukhari et Muslim. Muslim a ajouté dans sa version: mais les pauvres parmi les émigrés muhajirin revinrent par la suite et dirent: nos frères, les riches, ont entendu parler de ce que nous faisions et font aujourd'hui comme nous. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, répondit « Ceci est une grâce d'Allah qu'il accorde à qui il veut. » 1419. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui après chaque prière dit « Gloire à Allah, subhanallah, 33 fois. Louange à Allah, alhamdulillah, 33 fois. Allah est le plus grand, Allahu Akbar, 33 fois. » Puis complète le tout à 100 en disant « Unique, sans associé, à lui la royauté, la louange, et il est capable de toute chose. » La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, verra ses péchés effacés, même s'ils sont équivalents à l'écume de la mer. Muslim. 1420. D'après Ka'b ibn Ujra, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Il y a certaines paroles que l'on répète après chaque salat prescrite. Quiconque les prononce ne sera jamais lésé. Il s'agit de dire « Gloire à Allah 33 fois, louange à Allah 33 fois et pour finir, Allah est le plus grand 34 fois. » Muslim. 1421. D'après Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, cherchait refuge auprès d'Allah après chaque salat par ses paroles. « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre la lâcheté et l'avarice. Je cherche refuge auprès de toi contre la décrépitude. Je cherche refuge auprès de toi contre les tentations de ce bas monde. Et je cherche refuge auprès de toi contre les épreuves de la tombe. » اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر. البخاري. 1422. معاذ رضي الله عنه rapporte que le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام le prit par la main et lui dit « Ô Mu'adh, par Allah, je t'aime. » Puis il ajouta, alayhi salatu wassalam, « Je te recommande, ô Mu'adh, de ne pas oublier de dire après chaque salat, ô Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à t'adorer de la meilleure manière. » « Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. » Abu Daoud avec une chaîne de narrateurs authentiques. 1423. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Lorsque l'un d'entre vous a terminé de réciter le tashahhud avant les salutations finales, qu'il cherche refuge auprès d'Allah contre quatre choses, en disant « Je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de l'enfer, contre les tourments de la tombe, contre les tentations de la vie et de la mort, et contre la séduction du faux messie. » اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. مسلم. 1424. Selon Ali, رضي الله عنه, parmi les dernières paroles que prononçait le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام à la fin de la salat, entre le tashahhud et les salutations finales, il y avait « Ô Allah, pardonne-moi mes péchés passés et futurs, ceux commis en secret et ceux commis en public, ceux commis à outrance et ceux que tu connais mieux que moi. C'est toi qui élèves ou qui rabaisse. Pas de divinité digne d'être adorée en dehors de toi. Allahumma aghfir li ma qaddamtu wa ma akhart, wa ma asrartu wa ma a'lant, wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Anta al-muqaddim wa anta al-muakhir. « La ilaha illa ant. » Muslim. 1425. D'après Aisha radiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam disait fréquemment dans ses inclinaisons, ruku' et ses prosternations, « Ô Allah, notre Seigneur, gloire et louange à toi. Ô Allah, pardonne-moi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Allahumma ghfirli. » Al-Bukhari et Muslim. 1426. D'après Aisha, radiyallahu anha, Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, disait dans ses inclinaisons, rukou' et ses prosternations, « Tu es le très glorieux, le très pur, le Seigneur des anges et de l'esprit, Gabriel. » Subbuh, Quddus, Rabbul Malaikati wa Ruh. Muslim. 1427. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Dans les inclinaisons, rukou', glorifiez votre Seigneur Azza wa Jal, et dans les prosternations, multipliez les invocations. C'est en effet le moment propice pour celui qui espère être exaucé. » Muslim. 1428. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Le serviteur d'Allah n'est jamais aussi proche de son Seigneur qu'en prosternation. Multipliez-y donc les invocations. » Muslim. 1429. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, avait l'habitude de dire dans ses prosternations « Ô Allah, pardonne-moi tous mes péchés. Les mineurs et les majeurs, les premiers et les derniers, ceux commis en public et ceux commis en secret. Allahumma ighfir li dhanbi kulla, diqqahu wa jilla, wa awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah. » Muslim. 1430. Aisha radiyallahu anha relate ce qui suit. Je m'aperçus une nuit de l'absence du prophète, alayhi salatu wassalam, et je partis à sa recherche. Je le trouvai alors en prière, dans l'inclinaison, rukou', ou en prosternation, en train de dire « Gloire et louange à toi, il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors de toi. Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa ant. » Dans une autre version, ma main tomba sur la plante de ses pieds dressés, alors qu'il était en prosternation dans la mosquée. Il disait « Ô Allah, je cherche refuge auprès de ta satisfaction contre ton courroux et auprès de ton pardon contre ton châtiment. Je cherche refuge auprès de toi contre toi-même. Je ne peux te louer comme tu le mérites. Tu es comme tu t'es loué toi-même. » Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi ma'afatika min 'uqubatik wa a'udhu bika mink la uhsi thana'an 'alayk anta kama athnayta 'ala nafsik. Muslim. 1431. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu a dit: Nous étions avec le messager d'Allah alayhi salatu wassalam quand il dit: L'un d'entre vous est-il capable d'accomplir 1000 bonnes actions par jour? Quelqu'un dans l'assemblée lui demanda: Comment peut-on accomplir 1000 bonnes actions? Il répondit: En disant 100 fois gloire à Allah, 1000 bonnes actions lui sont alors inscrites ou 1000 péchés effacés. Muslim. Al-Humaydi a dit, telle est la version de Muslim dans son Sahih, mais selon Al-Barqani, le hadith a été également rapporté par Shu'ba, Abu Awana et Yahya Al-Qattan, d'après Moussa, présent également dans la chaîne de Muslim, comme suit. Et 1000 péchés lui sont effacés. Et non, ou 1000 péchés lui sont effacés. 1432. D'après Abu Dhar, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Chaque os et articulation de votre corps est redevable chaque matin d'une aumône. Chaque tasbih, dire gloire à Allah, est une aumône. Chaque tahmid, dire louange à Allah, est une aumône. Chaque tahlil, dire il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, est une aumône. Chaque takbir, dire Allah est le plus grand, est une aumône. Ordonner le bien est une aumône. Interdire le mal est une aumône. Et il vous suffit, à la place de tout cela, d'accomplir une prière de 2 raka'at dans la matinée. » Doha. Muslim. 1433. La mère des croyants, Juwayriya bintul Harith, radiyallahu anha, rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, sortit de chez elle tôt le matin après avoir accompli la prière de l'aube, subh, en la laissant en train d'invoquer Allah, à la place où elle avait prié. De retour dans la matinée, il la trouva au même endroit. Il demanda « Es-tu resté à la même place depuis que je t'ai quitté ?» Elle acquiesça. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit alors « J'ai répété, après t'avoir quitté à 3 reprises, 4 paroles qui, si elles étaient pesées, et qui vaudrait en récompense à tout ce que tu as récité depuis ce matin. Ces paroles sont « Gloire et louange à Allah, autant de fois que le nombre de ses créatures, jusqu'à son agrément, autant que le poids de son trône, arche, et que l'encre de ses paroles. Subhanallahi wa bihamdi, adada khalqi, wa rida nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimati. » Muslim. Dans une autre version de Muslim, « Gloire à Allah autant de fois que le nombre de ses créatures. Gloire à Allah jusqu'à son agrément. Gloire à Allah autant que le poids de son trône, arche, et gloire à Allah autant que l'encre de ses paroles. » Dans la version d'At-Tirmidhi, « Veux-tu que je t'apprenne des paroles que tu puisses répéter ?» Dis, « Gloire à Allah autant de fois que le nombre de ses créatures. Gloire à Allah autant de fois que le nombre de ses créatures. Gloire à Allah autant de fois que le nombre de ses créatures. Gloire à Allah jusqu'à son agrément. Gloire à Allah jusqu'à son agrément. Gloire à Allah jusqu'à son agrément. Gloire à Allah autant que le poids de son trône, arche. Gloire à Allah autant que le poids de son trône. Gloire à Allah autant que le poids de son trône. Gloire à Allah autant que l'encre de ses paroles. Gloire à Allah autant que l'encre de ses paroles. Gloire à Allah autant que l'encre de ses paroles. 1434. Selon Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui évoque son Seigneur fait le dhikr, et celui qui ne l'évoque pas sont respectivement comparables aux vivants et aux morts. Al-Bukhari. Selon la version de Muslim, la maison dans laquelle Allah est évoqué et celle où il ne l'est pas sont respectivement comparables aux vivants et aux morts. 1435. Selon Abu Hurayra, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Allah Ta'ala dit: je suis à l'égard de mon serviteur selon ce qu'il pense de moi, et je suis avec lui tant qu'il m'évoque. S'il m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même. Et s'il m'évoque en public, je l'évoque devant un public bien meilleur. Al-Bukhari et Muslim. 1436. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: les Mufarridoun ont devancé tous les autres. On demanda: qui sont les Mufarridoun? Il répondit, alayhi salatu wassalam: les hommes et les femmes qui ne cessent d'évoquer Allah. Muslim. 1437. Jabir, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: la meilleure manière d'évoquer Allah consiste à dire: il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. La ilaha illallah. At-Tirmidhi a dit: Hadith Hassan. 1438. Selon Abdullah ibn Busr, radiyallahu anhu, un homme dit: ô messager d'Allah, les prescriptions de l'islam sont bien nombreuses pour moi. Enseigne-moi donc une chose à laquelle je puisse m'attacher. Il dit, alayhi salatu wassalam, que ta bouche ne cesse d'évoquer Allah. Littéralement, que ta langue reste toujours humide à force d'évoquer Allah. At-Tirmidhi a dit: Hadith Hassan. 1439. D'après Jabir, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: un palmier est planté au paradis pour celui qui dit: gloire et louange à Allah. Subhanallahi wa bihamdi. At-Tirmidhi a dit: Hadith Hassan. 1440. D'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: j'ai rencontré Abraham lors de mon voyage nocturne, Isra, et il m'a dit: ô Muhammad, transmets mon salut à ta nation et dis-leur que le paradis est formé d'une terre pure, d'une eau suave et de vastes plaines où sont plantées gloire à Allah, louange à Allah, il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, Allah est le plus grand. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. At-Tirmidhi a dit: Hadith Hassan. 1441. D'après Abu Darda, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Voulez-vous que je vous indique la meilleure des œuvres, la plus pure auprès de votre maître, celle qui vous élève le plus en degré, qui est plus méritoire que de dépenser l'or et l'argent ou de rencontrer vos ennemis leur trancher les nuques ou qu'ils tranchent les vôtres ?»« Bien sûr, dirent les gens. » »« Évoquez Allah Ta'ala, dit-il, alayhi salatu wassalam. » At-Tirmidhi. Al-Hakim Abu Abdillah a dit que sa chaîne était authentique. 1442. Sa'd ibn Abi Waqqas, anhu, rapporte qu'il a accompagné le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, en visite chez une femme qui avait devant elle des noyaux de dattes ou des cailloux dont elle se servait pour glorifier Allah. Il lui confia « Je vais t'indiquer ce qui est plus facile ou mieux pour toi que cela. » Dit « Gloire à Allah autant de fois que le nombre de ses créatures dans le ciel, gloire à Allah autant de fois que le nombre de ses créatures sur la terre, gloire à Allah autant de fois que le nombre de ceux qui se trouvent entre les deux, et gloire à Allah autant de fois que tout ce qu'il a créé. Et Allah est le plus grand autant de fois que cela, louange à Allah autant de fois que cela, il n'y a pas de Dieu digne d'être adoré en dehors d'Allah autant de fois que cela, et il n'y a de force qu'en Allah et de changement que par lui autant de fois que cela. » سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك الترمذي دي حديث حسن 1443. Selon Abu Moussa, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui a dit « Veux-tu que je t'indique l'un des trésors du paradis ?» Je répondis « Oui, ô messager d'Allah. » Il dit, alayhi salatu wassalam, « Il n'y a de force qu'en Allah et de changement que par lui. La hawla wa la quwwata illa billah. » Al-Bukhari et Muslim.